Toute la Bretagne connaît le combat des 30. 30 chevaliers bretons menés par Jean de Beaumanoir affrontant en 1351 30 Anglais. Cet affrontement, ce carnage, deviendra une des grandes épopées de la mythologie bretonne, celle chantée par le Barzaz Breiz et Théodore Hersart de la ville marquée. La bataille dont nous allons vous conter l'histoire a laissé bien moins de traces dans nos mémoires. Qui se souvient de 1491, date qui signe pourtant la chute de la Bretagne indépendante, son annexion au Royaume de France, le mariage d'Anne de Bretagne, du haut de ses 14 ans, à Charles VIII de France. Si cette guerre de succession est depuis longtemps oubliée, c'est l'archéologie qui aujourd'hui l'exhume dans un couvent de granit au cœur de Rennes. Ce soir, nous découvrirons ces combattants, dernier carré de soldats bretons ou forces royales françaises, au travers d'une véritable enquête policière, à la croisée de l'anthropologie, de la paléogénétique et des analyses isotopiques, enquête qui vient de paraître dans la revue internationale PLOS ONE. Rosen Colter, Claire Via, Jaouen, Philippe Hamon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir en direct et au téléphone. Rosen Colter, vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP, avez fouillé ces fameux squelettes et avez coordonné ces recherches avec les universités d'Ottawa, de Rennes 2, de Toulouse 3, du CNRS et du Max Planck Institute. Clavia Jaouen, vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous serez ce soir notre spécialiste des isotopes, des géosciences. Philippe Hamon, puisque vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes 2, vous nous raconterez ce que l'histoire sait de cet épisode guerrier. Rosen Colter, le couvent des Jacobins, c'est depuis des années la très grande fouille de Rennes. Et oui, Vincent, c'est vrai que ça a été une très grande fouille à l'époque, qui a duré plus de 18 mois, qui a été faite entre 2011 et 2013, donc ça commence un petit peu à dater, mais à l'époque, ça avait mobilisé une trentaine d'archéologues, et on avait vraiment des spécialités différentes, puisqu'il y avait des vestiges de la ville antique de Condat, il y avait des élévations du couvent, donc on avait des archéologues aussi qui étudiaient le bâti, et puis évidemment, il y a eu plein de sépultures donc pour lesquelles je travaillais. On a eu plus de 1000 sépultures, dont 600 qui ont été étudiées après finement en laboratoire. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces fouilles se sont terminées en 2013 et aujourd'hui, on commence vraiment à avoir les résultats. Il faut 5-6 ans pour que tout ça soit étudié. Ben, il y a eu un temps d'études, d'abord d'inventaire de toutes les données. Et puis après, on a eu un temps aussi où on commence à publier les données pour les partager aussi avec, ça fait partie de notre rôle, avec le grand public, le public scientifique et puis le grand public. Donc aujourd'hui, sur tout ce qui est sépulture, il y a une thèse qui a été faite et il y a plusieurs publications qui ont été faites, notamment sur l'alimentation à l'époque moderne. Donc ça, qui avait été faite avec Claire Via Jaouen déjà. Et puis on avait trouvé un cercueil un peu particulier, un dernier cercueil à la fin des travaux, où un corps était vraiment très très bien conservé. Donc ça aussi, ça a fait l'objet d'autres publications. Ça, c'est la fameuse momie de Louise de Quingot. Vous en avez beaucoup parlé, mais allez, dites-nous un peu de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, à la fin de la fouille, il nous restait une dernière cuve en plomb à fouiller. On n'avait pas pu y accéder parce qu'elle était sous un mur de soutènement et il a fallu attendre la consolidation des bâtiments pour y aller. Et puis, donc, on en avait déjà trouvé 4 pendant la fouille. Donc, voilà, c'était juste un cinquième. Et en fait, quand on l'a ouvert, on a eu la surprise de trouver un corps qui était vraiment resté intact. Et donc, on l'a étudié à l'Institut médico-légal de Toulouse. Donc avec ce professeur Norbert Telmont, que je remercierai jamais assez parce que ça a été vraiment le début d'une belle aventure scientifique, mais aussi humaine, où on a tous travaillé avec des sciences diverses sur ce corps. Et la chose qui était intéressante, c'est aussi dans la fosse d'installation de ce sarcophage-là, on avait un cardiotaphe, donc c'est une urne en plomb en forme de cœur, sur laquelle on avait une inscription, donc qui disait que c'était le cœur de Toussaint de Perrien, chevalier de Bréfeillac. Et parallèlement, on avait aussi sorti des archives historiques où on savait que Madame de Bréfeillac, Louise de Quingot, était enterrée avec le cœur de son mari. Donc là, pour une première fois, on avait quand même une proposition d'identification de cette sépulture à Louise de Quingot. Et donc, c'est à partir de cette identification qu'on a pu mener toute une enquête sur une Bretonne du XVIIe siècle, ses croyances, comment elle est enterrée, comment elle a pu vivre. Et c'est pareil, ça a été une étude vraiment pluridisciplinaire avec des archéosciences, des historiens. Et voilà, on a eu un colloque et on finalise actuellement la publication qui devrait sortir pour la fin de l'année. Présente aussi des plaques de schiste exhumées dans le réfectoire, sur ces dalles des inscriptions. Alors là aussi, c'était une archive qui a été un peu particulière et très émouvante parce que pour une fois, là, on a retrouvé quelque chose d'inhabituel en archéologie. On a retrouvé un son, enfin une mélodie du 15e siècle. Et cette mélodie a été décryptée par Gaëtan Leclorec et Françoise Labeaune. Et puis après, elle a été mise en chanson par Dominique Fontaine, donc, qui est une chanteuse. Et donc, on a une portée avec, sur laquelle on voit quatre lignes avec une clé de hutte et des notes qui sont losangées ou sans hampe. Et donc aujourd'hui, même on peut retrouver cette tablette sur le site internet de l'IRISA, donc qui a fait une tablette numérique de cette tablette de schiste. Et on peut décrypter la partition et voir un peu tous les tracés. Donc c'est vrai que c'est une archive un peu étonnante, quoi. Et donc justement, on écoute cette petite mélodie du 15e siècle et de 15 secondes. Voilà une belle découverte d'archéomusicologie. La grande découverte qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des fosses. Deux fosses. S'agit-il de sépultures parmi d'autres, au sein d'un couvent? Eh bien là, on avait donc deux fosses, donc une tranchée de plus de 3 mètres de long, avec au moins 28 corps, parce qu'on n'a pas pu la fouiller intégralement. Donc ça, c'est une très grande fosse qu'on a trouvée vraiment à la toute fin de la fouille, ce qui est une découverte assez fréquente en archéologie, notamment préventive, où c'est le dernier coup de pelle, voilà, et où on trouve des belles découvertes. Et puis avant, on avait trouvé une fosse un peu plus petite où il y avait quatre sujets. Donc l'intérêt de ces fosses, c'est qu'on a des sujets qui sont enterrés simultanément, donc on voit qu'ils ont été déposés à un instant T dans la fosse, et donc on peut suspecter qu'ils sont morts au même moment aussi. Vous avez une idée à peu près du nombre complet, malgré ce que vous n'avez pas eu le temps de fouiller? Alors après, on a refait des petits sondages juste à la fin. On n'a pas plus de 32 corps. Enfin, ça continuait pas encore sur un mètre. Donc il y a peut-être quatre corps qui nous ont échappé. Comment étaient les corps dans ces fosses? Ils ont été jetés ou tout au contraire déposés avec soin? Bah, nous, on a plutôt l'impression on a un soin qui a été apporté sur ces corps parce qu'ils sont déposés. Ils sont dépouillés, donc il reste très peu de mobilier archéologique avec eux. On a juste retrouvé un petit grelot et puis les perles d'un chapelet. Donc voilà. Mais après, ils sont bien alignés. Ils sont déposés sur trois couches successives. Donc trois. Mais par contre, ils ont des positions qui sont identiques à celles des sujets qui sont inhumés dans le reste du couvent, avec la tête à l'ouest, les pieds à l'est, les mains qui sont soit le long du corps, soit en avant du pubis ou sur l'abdomen. Donc, on a plutôt l'impression qu'on n'a pas vraiment, enfin, on a une attention quand même qui a été portée sur ces corps. Et ce sont exclusivement des hommes. Alors après, c'est en laboratoire, en fait, où on a commencé à faire l'étude biologique de ces squelettes, où on s'est rendu compte qu'on avait uniquement affaire à des sujets masculins qui étaient plutôt jeunes, enfin, qui avaient plus de 15 ans et les plus vieux avaient été morts avant 50 ans. Et leur stature aussi, en tout cas dans la grande fosse, était plutôt grande par rapport aux autres sujets du couvent. Rosane Colter, juste après la fouille, la première étape a été d'étudier les individus sur le plan anthropologique. C'est votre cœur de métier, là. Alors là, oui, du coup, donc là, on étale les squelettes en laboratoire, on essaie de restituer en fait corps par corps, et puis là, on essaie de restituer une carte biologique, archéologique de ces sujets avec leur sexe, leur âge au décès, leur maladie, et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de traces portées par des coups tranchants. Donc on a aussi fait ça avec un paléopathologiste, Henri Dabernard, et donc, on essaye de mobiliser le maximum aussi de sciences pour faire une archéologie la plus totale possible, en fait, pour avoir le maximum d'informations. Et comme me disait une collègue dernièrement, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc, c'est vrai qu'avec les études anthropologiques, on essaye de raccrocher tous les wagons d'autres sciences pour essayer de restituer un peu qui étaient ces sujets, quoi. Visiblement, ils avaient reçu des impacts à peu près partout. Les Alors, pieds, la tête, les bras. Exactement, on a beaucoup d'impact sur les membres inférieurs, ce qui nous fait croire, enfin, qui nous fait penser qu'on peut avoir certains sujets qui sont des cavaliers et qui aient des traces en fait pour les désarçonner. Donc, on voit que les coups sont portés vers le bas parce qu'on arrive à restituer comment les coups ont été portés. Et on voit que ces sujets-là, pour certains, après, ils ont des coups dans le dos, des coups sur le crâne. Donc, on les a achevés. On a pu faire des à l'Institut médico-légal aussi de travailler sur des nouvelles données pour savoir restituer quel type d'armes on avait utilisé, savoir si c'était des fils, des épées avec deux fils ou des sabres ou des hallebardes. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi restituer un peu comment ils sont morts. Et Le maximum de tout. bien sûr, rester à connaître la date de ce massacre. Pour cela, rien ne vaut une bonne datation radiométrique. Eh bien, évidemment, ce n'est pas l'émission carbone 14 qu'on va l'apprendre. Évidemment, donc on a fait des datations carbone 14, mais malheureusement, on est à l'époque, on arrive à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, et on a un effet plateau à ce moment-là. Du coup, on avait deux propositions pour ces sujets. Donc, soit on pouvait avoir le milieu du 15e siècle, fin 15e siècle, ou alors la fin du 16e. Donc, on était un peu. On ne savait pas trop, en fait, vers quel événement historique on pouvait se raccrocher, sachant que c'était forcément un événement qui avait dû laisser des traces pour avoir autant de morts. Et c'est là Parallèlement. donc que Philippe Hamon intervient. Philippe Hamon, tous ces critères correspondent à un seul conflit, la fameuse guerre de Bretagne. Oui, tout à fait. Il y avait un autre conflit qui aurait pu correspondre chronologiquement, qui était les guerres de religion, les guerres de la Ligue, mais pour des raisons à la fois historiques et puis qui sont liées au type de blessures de nos cadavres, c'était difficilement envisageable. Il n'y a pas à Rennes d'incident militaire important à la fin du XVIe siècle, et donc la probabilité la plus forte ou la quasi-certitude concerne le siège de Rennes qui se situe au cours de l'été et de l'automne 1491 et qui correspond au dernier grand événement militaire de la guerre de Bretagne, c'est-à-dire la période où le duché de Bretagne, qui jusque-là était indépendant, eh bien va perdre cette indépendance et, comme vous l'avez évoqué au début d'émission, le perdre dans des conditions qui sont celles d'une défaite militaire dont on va reparler et qui aboutissent au mariage de l'héritière du duché de Bretagne avec le roi de France régnant à l'époque, Charles VIII. Philippe Hamon, les causes de cette guerre ont pour sujet une affaire de succession, le fameux duc François II de Bretagne, dont n'a pas d'héritier mâle, c'est ça? Alors, le duc de Bretagne, François II, n'a pas d'héritier mâle, il a deux filles, et il a eu des relations extrêmement conflictuelles avec les rois de France au cours de son règne. La Bretagne est une principauté indépendante qui joue un rôle important sur l'échiquier politique français, et même, on en reparlera sûrement, sur l'échiquier politique européen. Le roi de France cherche à contrôler, d'une certaine façon, le duché, et après une défaite militaire en 1488, le roi de France a obtenu une espèce de droit de regard sur le mariage des filles du duc. François II meurt et sa fille et ses conseillers, hein, la fille est toute jeune, vous l'avez dit, elle est née en 1477, donc elle a une douzaine d'années, et même si elle est assez précoce politiquement, elle n'est pas autonome, et elle va essayer de trouver des alliés pour contrer l'influence du roi de France, et elle va s'allier, et en l'occurrence s'allier en mariage, avec Maximilien de Habsbourg, qui est un des princes importants de l'Europe centrale et qui gouverne des possessions qui vont depuis l'actuelle Belgique jusqu'à l'Autriche actuelle. Le roi de France considère qu'on ne l'a pas consulté et il relance des opérations militaires contre la duchesse et son nouvel époux au début de l'année 1491. Alors donc, pour déterminer l'origine géographique des 32 soldats, Clerviage-Jaouen, vous avez entrepris des analyses isotopiques autour du soufre, du strontium et de l'oxygène. Comment ces analyses révolutionnaires marchent-elles? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Lorsqu'on va manger dans nos aliments, il va avoir plein d'éléments, et notamment l'oxygène, le soufre, mais aussi le strontium. Et quand on fait des analyses isotopiques, on va s'intéresser aux caractéristiques de ces éléments, voir s'ils sont plus ou moins lourds, les atomes qui le composent, s'ils sont plus ou moins lourds. Et en fait, ça va nous renseigner sur la provenance géographique. En effet, on va avoir le strontium dont ces analyses isotopiques, ces compositions isotopiques vont varier en fonction de la géologie. On aura du strontium plus lourd dans des régions telles que la Bretagne, avec beaucoup de granit, de schiste, et d'autres valeurs sur des régions avec des calcaires un peu plus jeunes, par exemple. Donc ça, c'est pour le strontium. Pour l'oxygène, ça varie beaucoup en fonction du climat, de la latitude. Pour le soufre, ça va être la distance à la côte, à quel point on est proche de la mer. Et donc, si on combine tous ces indicateurs, ces traceurs isotopiques, eh bien, on peut avoir une idée très précise d'où venaient les gens, voilà, en combinant ces facteurs liés à la géologie, la distance à la côte et au climat. Donc ça, on a pu le faire à l'échelle de l'Europe. Ça, c'est une vraie révolution sur le plan archéologique. À quel camp appartenaient les inhumés de la première fosse? Bien la première fosse, Alors, Clavier-Jouët. sur la première fosse, Avec vos on isotopes. avait donc on avait quatre squelettes. Donc, on a créé en fait des cartes pour déterminer la provenance de ces soldats, et ça nous permet de voir que trois d'entre eux viennent très probablement de Bretagne. Le quatrième, il semble qu'il ait grandi en dehors de la Bretagne, mais possiblement il a vécu les dernières années de sa vie dans une région côtière, donc pourquoi pas la Bretagne. Mais ce ne sont pas les isotopes du coup qui nous ont permis de raccrocher cet individu à la Bretagne, mais l'ADN mitochondrial La qui génétique, vient, tout à fait. voilà, la génétique. Rosencolter, pour en savoir plus donc sur ce quatrième individu qui visiblement se séparait un peu des trois autres réellement bretons, vous avez regardé ses particularités génomiques, son ADN, ce qu'on appelle son haplogroupe mitochondrial, c'est bien ça? Eh bien oui, à l'époque, ces études avaient été conduites par le laboratoire AMIS, mais en 2016, donc avant qu'on étudie les isotopes, notre objectif était de voir, de déterminer ces haplogroupes mitochondriaux et aussi de rechercher d'éventuels agents pathogènes, parce que sur cette petite tombe, on se demandait quand même si elle pouvait pas avoir une crise épidémique quand même à l'origine de leur décès, puisque les squelettes de cette petite tombe sont assez mal conservés et on n'a que le haut du corps. Et donc, on n'a pas vu enfin, le laboratoire n'a pas vu de lien de parenté strict entre ces sujets, mais on voit qu'il y a certaines mutations génétiques qui sont propres à celles qu'on a retrouvées dans d'autres sujets apparentés à la noblesse bretonne, dont par exemple Louise de Quinguault. Donc, c'est pour ça qu'on peut peut-être proposer en fait que ces sujets-là, enfin, ce sujet-là a un possible lien avec la noblesse bretonne. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille avec ces isotopes, donc ceux à partir de sa dent vont, et en cumulant les cartes, comme l'a expliqué Clervia, on va savoir à peu près où il a grandi, où il a passé son adolescence, et on a une carte très précise pour lui, on arrive sur Melun. Et puis après, quand on travaille sur son os, là, comme les os, ils vont se renouveler un peu tout le temps au cours de notre vie, on a plutôt la signature à la fin de nos jours, et là, on voit qu'il serait plutôt revenu en Bretagne. Donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas son identité, on sait pas, on n'a pas de source historique, on ne sait pas qui c'est, mais on arrive quand même à retracer quand même son vécu de cette personne-là et pareil, en travaillant sur les isotopes qui sont liés à son alimentation, on voit que cette personne-là a consommé beaucoup de protéines animales, en tout cas plus que les autres dans le couvent, et ça aussi, ça peut aussi être un critère qui peut être apparenté aux élites. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Dans l'autre fosse, 28 individus, à quel camp appartiennent-ils, Rosencolter? Eh bien, l'autre tombe, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait que ce soit à partir des dents ou des os, ils sont quasiment tous, enfin, ils ont aucun a un profil qui est compatible avec la Bretagne. Donc, on voit qu'ils viennent tous de plus loin. Donc, c'est ça qui a aussi été intéressant, c'est que les deux tombes ne se ressemblaient pas du tout. Donc, à partir du soufre, où, comme le disait Clervia, on voit l'éloignement par la côte, on voit qu'ils sont tous étrangers à la côte. Après, si on avait travaillé que sur le strontium, ben, certains ont grandi dans des massifs plutôt granitiques, donc on aurait pu les raccrocher au camp breton. Mais en combinant les trois isotopes, on est sur d'autres contrées. Et puis, Oui. Non, mais je voulais juste dire, et puis comme c'est un conflit européen, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions d'où est-ce qu'il pouvait venir, quoi. Justement, Philippe Hamon, nous savons que cette guerre qui éclate en 1487 implique de nombreuses forces européennes. Oui, tout à fait. Du côté de la duchesse Anne de Bretagne et de son père avant, elle est soutenue par toute une coalition européenne. J'évoquais d'ailleurs tout à l'heure déjà les Habsbourg, et on sait qu'au siège de Reims, Maximilien de Habsbourg avait envoyé des troupes qui venaient, ce qu'on appelle à l'époque des Allemands, c'est-à-dire quelque chose qui se situe entre la Belgique, l'Allemagne centrale et la Suisse. Et elle avait deux autres alliés, qui étaient le roi d'Angleterre Henri VII et le roi d'Aragon Ferdinand, qui avaient aussi envoyé des troupes. Donc dans la ville de Reims, il y a ces Bretons, qui sont probablement ceux auxquels on vient de faire allusion, et il y a aussi des mercenaires qui viennent d'un peu partout en Europe. Quant à l'armée du roi de France, elle est une armée effectivement française, mais dont la diversité d'origine peut venir aussi bien du nord du royaume que du Dauphiné, que du sud. Donc c'est vraiment un ensemble de combattants qui recouvre un spectre géographique qui peut recouvrir un spectre géographique extrêmement large. On sait que les Bretons ont fait quelques sorties, il y a quelques récits donc de batailles. Alors, ce qui rend l'archéologie particulièrement intéressante pour ce siège de Rennes, c'est qu'on a très peu de récits narratifs. On a une chronique, qui est une chronique, on va dire belge, hein, de Jean Molinet, un serviteur de Maximilien de Habsbourg, qui a dû se renseigner très vraisemblablement après les opérations auprès de mercenaires allemands qui ont quitté la Bretagne après la fin de la guerre. On a une chronique qui évoque un épisode guerrier qui pourrait, mais alors il faut être là très prudent, correspondre à nos fosses. Les Bretons, à un moment, alors je parle de siège de Rennes, il ne faut pas imaginer un siège extrêmement étroit où les assaillants seraient sous les murs, hein. En fait, c'est plutôt une sorte de vaste blocus, hein, où les Français sont installés à quelques kilomètres, ou voire même 10, 15 kilomètres dans certains cas, et ils bloquent le ravitaillement, hein, les axes de ravitaillement de la ville. Les Bretons font une sortie au sud de la Vilaine, ils font des prisonniers, ils reviennent vers la ville, et ils sont à leur tour surpris par une contre-attaque française, et nous dit Molinet, c'est un peu la panique, et ils auraient exécuté leurs prisonniers à ce moment-là. Alors, est-ce que les prisonniers auraient été restés, laissés sur le champ de bataille, et ensuite, après l'épisode, repris par les Bretons, et c'est quand même pas très glorieux d'exécuter ces prisonniers, même en pleine opération militaire, est-ce que c'est eux? Alors là, je dis bien, on est très hypothétique, mais c'est eux qui auraient été enterrés dans cette grande fosse des 28, 32 squelettes dont on a parlé. Disons que c'est le seul épisode connu des opérations militaires du siège qui pourraient se rattacher à nos deux fosses. Et ça nous montre bien combien il est important pour nous, les historiens, d'avoir recours à l'archéologie sous toutes ses formes, y compris pour des périodes relativement récentes, hein, ça ne concerne pas que la préhistoire, pour compléter les connaissances historiques sur des événements même relativement récents. Clavia Jaouen, à l'aide de vos isotopes du soufre, de l'oxygène et du strontium, vous avez donc développé des cartes de probabilité sur l'origine géographique des individus. Ils viennent d'où, ceux qui ne sont pas bretons? Oui, alors tout à fait. Donc ces cartes, c'est la véritable nouveauté de cette étude, hein, elles ont été développées notamment surtout par Clément Bataille qui a fait la programmation informatique, donc Clément Bataille de l'Université d'Ottawa, et avec de l'intelligence artificielle. Et donc ces cartes, elles nous permettent effectivement de voir un peu d'où viennent ces individus du camp français. Et il semble que l'armée a été recrutée dans la région du Poitou-Charentes, en Normandie, et on a potentiellement aussi quelques individus qui viendraient des Alpes. D'accord. Et donc, il n'y en a pas d'autres qui pourraient venir encore de plus loin, puisqu'après tout, on sait que il y a Saint-Empire germanique, la Castille, l'Aragon, l'Angleterre. Alors, ces cartes, parfois, donc elles donnent des probabilités de provenance, et on a parfois plusieurs régions candidates possibles. Donc, on en a en France, parfois, et aussi en Espagne, pour le même individu. Ce qui nous a poussé à penser que finalement on avait là affaire que à des Français, c'est que finalement chacun des individus peut venir de France, mais on peut pas dire la même chose pour d'autres armées. Et on a vu dans certains textes historiques que les armées combattaient séparément en fonction de leur origine géographique. Rosenkolter, ces soldats auraient consommé des protéines animales de manière assez hétérogène, donc de nouveau un critère sur le statut social? Oui, c'est aussi qui était intéressant, c'est qu'on a très peu de données sur ses armées. Déjà, on a très peu de données sur ses combats, mais en plus, sur les sources vont plutôt nous renseigner sur les dirigeants en fait de l'époque. Et là, on peut travailler sur un corps d'armée et voir comment ils sont enterrés. Donc, on imagine qu'on a vraiment un corps complet français. Et on voit là qu'on a des sujets qui consomment plus de protéines animales que d'autres. Donc, on peut penser qu'on avait des sujets avec qui soient plus liés à des élites et puis d'autres aux Truffions, mais qui sont quand même enterrés ensemble dans la tombe. Vous attendiez à de tels résultats, Rosanne Colter, en 2013, quand vous étiez sur le terrain en train de fouiller ces squelettes? Je ne sais pas si on pensait qu'on aurait pu aller aussi loin en fait dans ces études. Déjà, on ne savait pas à quoi ça pouvait être accroché, si c'était plutôt un phénomène épidémique, comme je dis, ou un phénomène de guerre. Mais après, c'est vrai que ces sépultures multiples, elles sont toujours intéressantes pour l'archéologue parce qu'elles nous donnent vraiment un instant T aussi de l'état sanitaire de la population. Ces sujets-là, on sait qu'ils sont vraiment contemporains et on peut vraiment les étudier les uns par rapport aux autres. Donc, c'est vrai que c'est toujours très intéressant, ces tombes-là. Mais on a peu de données, oui, sur ces sujets. Ouais. En tout cas, l'étude que vous nous proposez tous trois, avec bien sûr de nombreux autres chercheurs de différents laboratoires, me paraît tout à fait exemplaire. Vous faites feu de tout bois, quelles que soient les méthodes, les sciences, pour faire de l'histoire. Notre objectif, ça a été vraiment de faire de l'archéologie aussi totale. L'archéologie, elle apporte vraiment aussi des nouvelles données historiques. Hein. Et c'est vrai qu'on a essayé de travailler dans toutes les directions qui s'offraient à nous. Et puis travailler avec Philippe Hamon, c'était aussi important parce que ça permettait tout de suite de nous aider dans nos hypothèses ou pas. Après, chaque discipline apporte un éclairage. Hein. On ne dit pas qu'on détient la vérité, hein. Peut-être qu'on se trompe aussi, mais c'est tous ces éclairages qui font peut-être aussi une grande vérité qui s'est passée, quoi. Eh bien, un très grand merci. J'avais encore beaucoup de questions, notamment sur la gestion des morts chez les ennemis. Nous y reviendrons de toute manière. En tout cas, merci à tous trois et donc je conseille de lire ce très beau papier de PLOS ONE. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie-Claire Omabadi et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture ou son application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inarab.fr. La semaine prochaine, place à l'archéologie des Sioux. Woodenny et la fin de Sitting Bull et Bigfoot avec Laurent Olivier.